la micaouette me fait la tête. Cacahuète, la petite Noé veut plus me parler. Canoë, la micao, ma micao. Cacao, la petite Ramel m'est infidèle. Me mine le moral. Caliban, mamselle le son long me traite de con. Bonjour, on est bien dans l'émission des ados. Oui, merci Juliana. Donc nous sommes dans le studio de Radio Gemozo pour une nouvelle émission. Alors aujourd'hui nous avons une invitée, donc on va faire un petit tour de table et ainsi on va découvrir qui est cette invitée mystère. Alors on va commencer par la technique. Je m'appelle Juliana. Oui, tu es avec qui ? Avec Marc. Bonjour à Marc. Bonjour Marc. Bonjour. Bonjour Marc. Voilà, ensuite. Von, voilà. Non. Zé. J'aimerais que tu le dises dans le micro. Vas-y. Zinedine. Non, pas. Refais une fois. Bonjour, je m'appelle Camille. Ensuite. Bonjour, je m'appelle Angéline. Ah, bingo là. Corinne. Bonjour, je m'appelle Steven, toujours à la rescousse. Bonjour Timothée. Je t'appelle, toujours présent. Voilà, et bien merci à tous. Donc on sait que notre invitée c'est Angéline. Angéline. Angéline va bien. Angéline va bien, merci pour l'invitation. Attends. Alors, Angéline, comme tu le sais, on démarre toujours l'émission avec une chanson mystère. D'accord. Donc, on va mettre une de tes chansons. Et on ne dit rien, on écoute. It's a death row pardon, 2 minutes too late. And isn't it ironic, don't you think? It's like rain on your wedding day. It's a free ride when you've already paid. It's the good advice that you just did. Cigarette break. It's like 10,000 spoons. I need is a knife. It's meeting the man of my dreams, and then meeting his beautiful wife. And isn't it ironic? Don't you think? A little too ironic. And yeah, I really do think. Voilà, voilà, la chanson mystère. Alors, à quel numéro faut-il appeler pour donner le titre ? 06 03 29 62 40 40. Très bien. Merci les filles. Voilà, alors on va commencer par les questions à Angéline, parce qu'il y en a, Angéline. Hein, accroche-toi. Alors, qui commence ? Alors, Christopher. Est-ce que tu as une PS4 ? Non, je n'ai pas de PS4. Ah. C'est embêtant ? Non. Non ? Ok. Ensuite, vas-y, Timothée. As-tu des enfants ? Oui, j'ai deux enfants. Quel âge a-t-il ? Alors, ce sont deux garçons. Le grand, il va avoir 13 ans. Et le petit, il a 6 ans et demi. T'avais pas dit comment il s'appelle ? Non ? T'avais pas demandé ça ? Ah non. Non. Non. Bah moi je vais demander. Allez. Donc le grand s'appelle Lucas, donc qui va avoir 13 ans, et le petit il s'appelle Maxime. Maxime. Oui, bien dit Zinedine. Oui. Maxime. Le petit il est dans l'école des Bruyères. Oui, il est au CP. Oui. Déjà vu ? Ah bon ? Quand vous êtes allé dans la classe ? Ah oui. Vous repérez et tout, vous. Hein. Ah. Allez, à qui ? Steven, vas-y. C'est Kelly. As-tu un ordi, c'est toi ? J'ai un ordinateur, oui. Et ça ? T'es rassurée ? Oui. Oui. Ensuite, qui ? Vas-y, Juliana. Aimes-tu le foot ? Ben, je m'intéresse pas trop au foot. Quelle est ton équipe préférée ? Alors, encore mieux, quelle est mon équipe préférée ? Eh ben, alors je sais pas si l'équipe de France. Je sais pas si c'est... Ouais. Tu dis ce que tu veux, Angélina. Ben oui, après, j'y connais pas grand-chose au foot. Pourtant, c'est pas faute d'entendre les jeunes de l'IME qui me parlent des équipes, c'est de qui a gagné, des joueurs. Mais je ne m'y connais pas trop en foot. Zinedine ? Non ? Tu as une question, Zinedine ? Oui. Alors, tu parles bien dans le micro ? Dans le micro ? Oui. Enfin, pas dedans, mais près du micro. Il y a des chats, toi ? Ah non, j'ai pas de chat, non. Ça, c'est bien, parce qu'Angéline a tout compris ce que tu as dit. Oui. C'est bien. C'est une maison ? Une maison ? Oui, j'ai une maison, oui. Elle vit pas dans la rue. Mais toi, la télé ? Si j'ai une télé ? Oui. C'est ça, oui, j'ai une télé aussi, oui. J'ai pas de PS4, Christopher, mais j'ai une télé quand même. Attends, t'as parlé trop vite, là. Tu veux ça, Mbappé, toi ? Bah oui, je l'aime bien, par contre, Mbappé. Tu vois, je connais pas grand-chose au foot, mais lui, je le connais. Et des bateaux ? Un bateau ? Oui. J'ai un petit bateau en plastique, oui, mais pas un gros bateau sur lequel on peut monter. À quoi courir ? J'ai pas compris. Es-tu ? À vous ? C'est quoi ta question ? Vas-y. Allez, vas-y. À vous ? À quoi ? Amoureux. Un amoureux, oui, j'ai un amoureux et je suis amoureuse, oui. J'ai oui d'amour. Tu es rassurée, Zinedine, hein ? Oh, bah oui, tout va bien, là, pour Angéline, tu vois. Corinne ? Oui, vas-y, Camille. Fais-tu les magasins? Bah oui, je fais les magasins, hein. Oui. C'est quoi, Corinne? Tu te maquilles? Un petit peu, pas trop, regarde. Oh. Est-ce que tu trouves que je suis trop maquillée? Non, ça va. Quelle est ta couleur préférée? Alors, ma couleur préférée, j'aime bien le rose, j'aime bien le mauve. C'est quoi mauve? Violet un peu, tu vois. Prune, qui sait qu'il y a du violet là? Non, j'en ai pas. Juliana, elle en a sur son. Mauve. Ça, c'est pas rose, c'est pas violet. Vous en avez pas, monsieur? J'en ai pas. La carte là-bas, un peu plus. Non, elle est bleue. Oh. Oui, c'est. Ouais. D'accord. Un peu violet. Tu vois comment ça fait, violet? Oui. Oui, tu vois. Ah, c'est qui? C'est qui? Alors, vas-y, Juliana. As-tu un chien? Non, je n'ai pas de chien. Hé hey Copito. Où habites-tu? J'habite à Saint-Amé. Mmh. Oui. Passes-tu la tôle? J'ai cette chance de travailler et d'habiter dans le même village. Donc, je ne suis pas très loin de mon travail pour aller Juliana, au travail. Juliana, il faut attendre les réponses aux questions, parce que toi, tu passes déjà à la suivante. Est-ce que tu as entendu ce qu'elle vient de dire, Angéline? Oui, elle habite à Saint-Amé. Oui, donc c'est après... à côté de son travail. Voilà. Ouais, okay. J'ai de la chance, oui. Bien. Beaucoup de chance. Ouais. Oui, vas-y, Steven. Joues-tu à la pétanque? Oui, je joue à la pétanque en été. Oui, beaucoup en été, avec mes enfants et pas que, oui. Après, vous je joue pas jouer? Dans un club, hein, mais ouais, j'aime bien jouer à la pétanque. Non. J'ai balancé de pétanque, moi. T'aimes bien jouer à la pétanque? Ah ouais, avec des potes. Comment elle s'appelle la petite balle La pétanque? Non, la petite, comment elle s'appelle? Vas-y Camille. Un cochonnet. Bien. Bravo Camille, ouais. Un cochonnet. Qui c'est qui joue à la pétanque ici? Christophe. Parfois, si elle joue avec moi. Juliana. Moi, du monde. Ouais, Corinne. Moi, un coup, j'ai joué avec mon frère à la pétanque, c'est chez moi qui a gagné. Waouh, trop forte. On dirait ça se dans un club de pétanque. C'est moi qui ai gagné. De quoi? On dirait ça se dans un club de pétanque. Il y a un club de pétanque dans le coin? Je sais que des fois, quand à Saint-Amé, je vois des gens qui jouent à la pétanque. Je ne sais pas s'il y a un club, mais près de la salle polyvalente, il y a des gens qui jouent à la pétanque. Vous les avez jamais vus? Ouais, c'est quoi? Oui, hein. Si on a vu. C'est qui joue pétanque. La pétanque, tu demandes ce que c'est, Zinedine? Oui. Non. Ah non. Bah pour Christopher, c'est réservé aux personnes âgées. Non. Oui, c'est quoi? Il y a des grandes compétitions de pétanque. Hein. Christopher, on devrait le faire courir. Je suis pas experte, mais ouais. Oui, Juliana. Moi, je joue à la pétanque. Hein. Je joue à la pétanque, j'ai des boules de pétanque. C'est pas pour les personnes âgées. Hein. Ah non. C'est vrai. Et paf. Oh, je vous ai cassé. Allez, ensuite, qui a une question? Moi, Zinedine, on a fini. Moi, oui. Oui, vas-y. Ta maison est-il belle? Moi, je la trouve belle, oui. Et la tienne? Oui. Ah oui. Oui, donc si tu habites dans une maison? Oui. Et Kosso, des loups. Il est trop beau, ma maison. Elle est trop grande. Non, elle est trop beau. Ah, ma belle. Maison. Elle est trop belle. Oui. J'ai des joues Kosso, Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que t'as dit, Zinedine? Oui, j'ai... Non, tu te redresses, s'il te plaît. Oui. Ah, pas de console, elle dit. Hein. C'est ça que tu veux demander à Angéline? Eh, non. Si elle joue à la console? Ben non, je joue pas à la console non plus. Mais des filles, hein. Elle serait pas s'approcher de la DS, hein. Est-ce que c'est parce que Angéline, c'est une fille qu'elle joue pas à la console? Parce que là, tu dis, oui, c'est une fille. Non, mais ça n'a rien à voir, ça. Il y a plein de filles qui jouent à la console. Il y a plein de jeux pour... Un petit peu macho, Zinedine, quand même. Hein. Oh, macho. Quoi? Il croise Zinedine à se maquiller. On passe à Timothée, vas-y. Ouais, tais-toi. Ton travail est-il cool? Mon travail est cool, oui. J'ai un bon travail, oui. C'est très intéressant. J'ai de la chance de travailler avec plein d'enfants et de jeunes adultes. Qui sont très intéressants et qui m'apportent plein de choses. Donc j'ai beaucoup de chance d'avoir un bon travail. Ça répond à ta question? Oui. Oui. Oui. C'est ça que tu penses, un travail cool? Oui. Quand on fait plein de choses et puis que ça nous plaît? Oui. Bah c'est ça, ouais. Je pense, connaissez des gens qui n'aiment pas leur travail? Plein. Plein. Ah bah, un exemple. C'est pas ceux qui travaillent en ville, c'est pas. Ceux qui travaillent en ville, ils aiment pas leur travail. Certains. Ah bon? T'en connais? Non. Oui, Juliana. Mon beau-frère, il aime pas son travail. Il aime pas son travail. Ah. Il travaille dehors. Ah bon, en hiver, ça doit pas être marrant, oui, c'est sûr. Sur hein. La neige. Il travaille pas facile, peut-être. Oui. Ouais. Mm. Allez, ensuite. Vas-y, Steven. Qui est ton chef? Alors, ma chef, c'est Madame Zwartenbrooks. Ouais. Qui a des chefs aussi. Ouais. Vous savez, ça? Alors, Monsieur Ballant, c'est aussi un, ça peut être un de mes chefs. Mais Monsieur Ballant, il s'occupe de l'équipe éducative, de tous les éducateurs plus. Moi, vu que c'est tout ce qui est administratif, donc les papiers, tout ça, c'est plus Madame Zwartenbrooks. Et des taxis aussi. Et les taxis, bah, c'est plus Madame Zwartenbrooks aussi. Ça dépend, c'est pourquoi, en fait. Oui. Et vous savez que Madame Zwartenbrooks, elle a aussi des chefs. Oui. Oui. Des hauts percés. Où ça? Des hauts percés. Des hauts perchés. Mais vous savez, c'est qui la grande chef? Vous savez, les grandes chefs. Vous savez, c'est qui? Non. Madame Leonardi. Oui. Elle était là avant. Ben oui. Ben oui. Tout à fait. C'est la directrice générale de la DAPI. 88. Ça se fait si vous faites une bêtise. Hein. Attends, Christopher, on n'entend pas ce que. C'est elle qui s'occupe de la directrice. La... Elle... Et puis la de nous aussi. Directrice. Elle s'en occupe. Angéline, toi, t'es pas la chef. T'es pas? T'es pas la chef, toi. Ah non, je suis pas la chef. Je suis la chef de moi. Je suis ma chef à moi. Elle est responsable de son travail. Voilà. Oui. Comme tout le monde. C'est bon? Vas-y, Timothée. Joues-tu au foot? Un petit peu comme ça, mais pas en équipe, hein. Non. Ouais. Attends. Il y en a qui font partie d'une équipe de foot? Attends, c'est Nicolas, oui. Nicolas, oui, il m'a déjà dit, oui. Mais vous, non? Vous faites pas partie de... Non. Mais vous jouez au foot? Oui. Ouais, parfois, il y a me. Oui, dans la cour, je vous ai déjà vu, hein. Sauf quand il ne fait pas beau, non. Ah, d'accord. Sauf si le terrain est mouillé, non, je ne joue pas. D'accord. Pas salir, hein. Alors, est-ce que tu crois que Nicolas, quand le terrain est mouillé ou qu'il pleut, ou il joue pas? Si, il joue. Oui. Mm. C'est ça. Oui, Juliana, vas-y. Passes-tu la tondeuse? Alors non, je ne passe pas la tondeuse, non. Non. Quelle est la marque de ta voiture? C'est une Renault Twingo. Quelle est sa couleur? Elle est rose. Ah, tu vois une voiture dans une rose. Tu l'as déjà vu, garée devant l'IME, ouais. Corinne avait raison. Ah, Corinne avait raison. De... Que tu m'avais dit qu'elle était rouge. Jaune. Rose. Ah bah oui, je suis daltonienne en plus, tu vois, alors là... Ouais. Elle est rose. Alors, voiture de fille, quoi. Hein? Oui. Veux-tu continuer ton travail ou changer? Ah non, je veux continuer mon travail. Comme je disais tout à l'heure, ça me plaît et puis... Et si tu avais l'opportunité de changer, Angéline, qu'est-ce que tu aimerais faire? De changer complètement de travail? Oui. Depuis être secrétaire? Oui, faire complètement autre chose. Je ne me suis pas vraiment posé la question parce qu'en fait, j'aime bien mon travail. Donc, après, ça serait difficile de plus travailler avec... des enfants. Enfin, ah oui. Après, j'ai pas. Je pense. C'est une autre question. Ça serait difficile d'être éducatrice parce que c'est un métier difficile, je trouve. Bah, secrétaire aussi. Oui. Je pense qu'il faut avoir la tête. Mais après. Oui. J'aurais du mal à plus travailler en structure avec des enfants. Enfin, ça apporte tellement de choses et puis il y a tellement de liens que. Ah, oui, c'est quoi? C'est bien, hein. Attends. C'est tout à ton honneur, Angéline. Ou là aussi parce qu'ils sont formidables. Ah, bah, oui. Hein, C'est quoi? Ah, wow. Zinedine a une question, ça a l'air urgent. Oui. Alors dans le micro, Zinedine. Et tu articules, hein, qu'on comprenne bien. Vas-y. Bah, tu te rappelles plus? Tu sais plus? Et si. Bah, vas-y. Voilà. Vas-y. Allez. Vas-y. Et toi? Vas-y, on t'aidera, Zinedine. Euh... Bon, tu réfléchis, alors on passe à ça. La grand-mère Mizi, c'est grand-mère. Alors, as-tu du travail ? Mizi. Piscine. À la maison ? Oui, gros. Ah oui, alors tu veux savoir quoi ? Si elle fait la vaisselle, le ménage ? Oui. Ah oui, ça t'intéresse. Non, non, vous savez, elle fait le ménage. La cassie ? Alors, regarde Angéline et pose-lui la question. Mais ça, c'est ça. Oui. Fais-tu le ménage ? Oui. Oui ? Eh ben oui, je fais le ménage. Ouais. Oui. Tu veux déjà casser ? Si je casse des trucs ? Oui. Bah oui, des fois je casse des trucs, hein. Des verres, des assiettes, ça arrive, hein. Pas trop souvent, parce qu'autrement... Hein. Attendez, on coupe pas la parole. Attends, Steven. Mais bon, Zinedine, ça répond à ta question. Attends, casse-bison. Casse-bison. Oui. Est-ce que tu crois que les filles, quand elles font le ménage, elles cassent ce qu'il y a à l'intérieur ? Ah non ! Oui, alors tu as vu ça où, Zinedine ? À la télé ? Dans un film ? Hein ? Une idée. Quand Zinedine arrive, elle me le fait à la baraque. Ta maman, elle passe la vaisselle quand elle fait le ménage ? Hein ? Eh, Zinedine, c'est fait quand Zinedine, elle passe les assiettes par la fenêtre. Oh bah non, heureusement que non. Hein. En plus, t'imagines le bazar qu'il y aurait dehors si je jetais tout par la fenêtre. Marcel l'a fait, yop. Allez, à Steven. Est-ce que ton amoureux, quand tu casses quelque chose, il te râle dessus ? Quand je fais quelque chose ? Quand non, lui, quand tu casses quelque chose ? Non, quand toi, tu casses quelque chose, il te râle dessus. Non. Non. Pose des questions, Steven, hein. Ça arrive à tout le monde de casser quelque chose. Lui aussi, il casse des choses des fois. Ah, t'as entendu ? Lui aussi, des fois, il casse des choses. Ah, casse des... Oui, oui. Tu as déjà défilé avec les gilets jaunes ? Alors non, je n'ai pas défilé avec les gilets jaunes. Ah. Ouais. Ah. Putain, c'est vous ? Non, c'est trop dangereux, ça, arrête. Oui ! Toi, tu l'as fait. Toi aussi. Et toi ? Non ? Non, c'est dangereux, ça. Non. Oh, gros, démission. On envoie tel la police. Timothée, on fait pas de politique, là. Oui. Ouais, c'est dangereux de faire ça, les défis. C'est dangereux. Pour prendre du gaz dans la figure, après, oh non, merci. T'as vu ça où ? Comment ? Ah, t'es vu ? Nos informations, bah oui. Oh, alors. Ok, bon, ensuite, c'est à qui ? Vas-y, Christopher. T'as plus tout à l'heure. Ah, excuse-moi, alors. Oula, bah alors. Est-ce qu'on a des films d'horreur ? Bah oui, je regarde des films d'horreur. Ah, comme moi. C'est vrai ? Ah oui. Alors, est-ce que tu as des titres, là, des fois qu'Angéline connaisse ? Moi, on dit 13. Ah oui, ah quand même, t'as regardé ça ? Ouais. Ah oui, mais ça, c'est des films d'horreur, oui. Ouais. The Predator. Ah oui, ouais. Alien. D'accord. Michael. Michael ? Oui. Je connais pas. Ah, c'est Halloween. Ah, d'accord. Mais tu regardes autre chose que des films d'horreur ? Un peu de dessin animé parfois. Ah ouais ? Et puis quoi d'autre ? Plein de trucs, des films en DVD. Ouais. Et un beau ? Les infos aussi, tu regardes. Oui. Mmh. Et un beau, moi j'ai gagné. Il y en a d'autres qui regardent des films d'horreur ? Christopher. Angéline a posé une question. Oui. Est-ce que vous regardez des films d'horreur ? À part non. Christopher. Ah bah moi, je suis le seul à regarder des films d'horreur. Moi, j'ai Fatan, moi. Fatan ! Vous pouvez vous ramener un film d'horreur ici, mais ils ont dit non. Doucement. Je vais ramener Annabelle. Ah bah oui, c'est... Annabelle. Ah oui, c'est quand même... Oui. C'est trop pour moi, les films. Mais c'est quoi, vendredi 13 ? C'est quelqu'un qui tue les gens. C'est qui ? C'est quelqu'un qui tue les gens avec un masque de hockey. Ah, vous avez un point commun. Oui. Angéline et Christopher. Après, je regarde pas que ça, hein. J'en ai regardé, mais... C'est quoi ? Regardez Barbie ? Barbie ? Barbie. Ah oui, ben Zinedine, une fille, c'est vraiment des trucs de fille. Voilà. Barbie. Barbie, mais pas que, hein. Comment mettre votre fond de teint ? Regarde ça, comment la fille, elle achète son fond de teint. Toi, elle regarde. Elle regarde. Des attends, Christopher, j'ai pas compris. Oui, ce elle regarde comment mettre son fond de teint, ma soeur, sur internet. Moi, Didi. Moi, Didi. Diana, elle regarde comment elle rend des shopping. Oui. Quoi oui. Ah, Christophe, oui. Zinedine, Christopher a des références quand même. Oui. Hein, télé, les moi, je vois qu'à tout. Moi, des Kelly, je vois qu'à tout. Il veut des gâteaux. Ouais, Kelly, ouais. La télé, tu regardes comment on fait les gâteaux, toi. Non, non, quoi alors ? Les moussa à manger ? Oui, ah, oui. Moussa gâteau. C'est que la galette. Les émissions de cuisine ? Oui. Ah oui, ah oh, bah bien. Oui, c'est Zinedine. C'est qui ? C'est Galifi. Est-ce que t'es gourmande, Zinedine? T'aimes bien manger? Oui. Moi, je regarde Section de Esprit Criminel. Oh, ah oui. Moi aussi. Et puis demain, tiens. Pareil que moi, j'ai eu. Oui, bon, c'est bon. Alors, on continue avec les questions. Est-ce que tu écoutes la musique quand tu travailles? Non, j'écoute pas de musique quand je travaille. les idées qu'il a fait. Oui. Vas-y. Est-ce que tu comptes tes billets dans le coffre? Oui, je compte tes billets dans le coffre, oui. Oui, raison. Vous m'avez déjà vu faire? Non. Non, personne m'a vu faire. Je prendre les billets dans le coffre. Non. Moi, il y a combien dedans? De quoi? Combien de billets dans le coffre? Bah, ça dépend des jours. Quand vous prenez de l'argent, il y en a moins. 1200 sous. D'avoir 3000 euros dedans. Ah non, même un code. Autant. Oui, il y a un code, oui. C'est un coffre. Oh, bah heureusement qu'il y a un coffre. C'est un coffre fort. Bah, vous l'avez déjà vu, il est où dans mon bureau? C'est un. Il est où dans mon bureau, le coffre fort? Dans le tiroir. Dans le placard. Dans le placard, ouais. Moi, je dis, ah, c'est des voleurs. Il y a un trigue, le coffre. Moi, il est voleur. Non, c'est 001. Ensuite, allez-y. Aimes-tu la cuisine? J'aime bien la cuisine, oui. J'aime bien faire à manger. J'aime bien faire des gâteaux, Zinedine, tu vois. Hein? J'aime bien faire des gâteaux. Aimes-tu ton travail? Oui, j'aime bien mon travail, oui. Que fais-tu chez toi pendant les vacances et le week-end? Alors, c'est une grande question, ça. Du coup, j'aime bien me promener. Je lis beaucoup de livres. Je joue avec mes enfants. Qu'est-ce que je fais d'autre pendant les vacances? À la Barbie. Non, la Barbie, je suis un peu grande. Au billard. Au billard. Non, j'ai pas de billard chez moi. Au poker, au blackjack. Non, après, au jeu de société, oui, mais pas au poker ni au blackjack. J'aime bien le quies. Hein. J'aime bien... Oui, les jeux de société, voilà. Les petits chevaux. Ouais, les dadas, j'aime bien les dadas. Vous jouez à quoi, vous, comme jeu de société? Mon petit chevaux. Les petits chevaux. Les petits chevaux et quoi encore? C'est tout. Au baby foot? Oh baby. Non, ça, c'est pas un jeu de société. Uno? Bah, le Uno, c'est bien. Il y a quoi encore? Il y a plein de trucs qu'on fait. Hein. Le Monopoly, la bonne paye. Ah oui, il y en a plein, les jeux de société. Hein. Et ça, c'est bien, les jeux de société. Le Lynx. Une lingue, c'est bien ça. Allez-y. Fumes-tu? Comment? Fumes-tu? Non, je ne fume pas. Ça arrive vraiment dans une partie tous les jours, fumer une cigarette. Ah non, je ne fume pas. Christopher. Est-ce que t'as des autres bleus quand t'as fini de faire secrétaire? J'ai rien compris. Oui. Est-ce que t'as un autre bleu quand t'as fini ton travail et tu fais des petits boulots pour la fin de mois? Ah non, je fais pas d'autre travail, non. C'était intéressant ce que oui, tu as dit. C'est... Hein oui. Bon, parfois je la vois partir, je vais revenir. Ah, tu penses qu'elle va faire un autre travail? Alors parfois, quand je pars de l'IME et que vous me voyez revenir après, c'est parce que je vais un petit peu au CESAD, au syndicat. Vous connaissez le CESAD? Non. Oui. Il y en a qui c'est qui était au CESAD avant? Moi. Voilà. Du coup, je fais un petit peu de travail au CESAD. C'est pour ça que des fois, vous me voyez partir et que je reviens après. En vélo? Quand j'étais en vélo, non, je n'allais pas jusqu'au CESAD. Non, c'est quand je... J'étais revenu en vélo, je me rappelle. Hein. Parfois, je vais au travail en vélo puisque j'ai la chance de travailler... Habiter pas loin, voilà. Bah oui. Voilà. Hein. Donc, ça, c'est bien. Corinne, oui. Quand j'étais bébé, j'étais au CESAD. Oui, ah, oui. C'est, tu m'as dit, ouais. Voilà, donc j'ai travaillé un petit peu pour le CESAD aussi, des fois dans la journée. Après, il faut avoir de l'énergie quand même, hein, pour faire plusieurs travails, Christophe. Ah bah oui. Moi, hein. Je me verrais pas aller refaire un autre travail le soir. Hein. Pizzeria. Là, il marque un point. Pizzeria en plus. tu sais, quand t'as déjà la tête comme ça le soir, alors pizzeria le soir en plus. en boîte en plus. Ah, tu t'imagines, on dort pas de la nuit et puis on revient travailler avec vous le lendemain. Oh mon Dieu. Bah dis donc, oui. Hein? Toi, t'es pas content le soir de rentrer chez toi? Ah, c'est content. Non, mais puis d'être au calme. Ah ouais. Parce qu'un groupe, c'est bruyant, mine de rien, hein, et c'est fatigant. Donc, je pense que vous devez être content de rentrer et d'être au calme. Non? Ah oui. Oui, Juliana. C'est comme ça. Mais c'est ça, dit les pauvres syndicats. Quand j'y étais, il était à Saint-Amé. Oui, mais ils ont déménagé depuis, ils sont syndicats maintenant. Mais oui, ça bouge. Ça change de lieu des fois, voilà. Ouais. Les temps changent, hein, Juliana. Oui. Mais oui. Vas-y, Christopher. Est-ce que t'es amoureux de quelqu'un dans le service, à IME? Ah bah ça, c'est pas prévu. Ah bon? Ah non, non, non, non. Je suis amoureuse de mon mari, voilà. Tu pensais à qui, Christopher? Parce que t'as toujours une idée, toi, derrière la tête. Alors, c'est une drôle de question, oui. Quelqu'un dans le service. En même temps, tu sais, il n'y a pas beaucoup d'hommes, hein, à IME. Il y a beaucoup de filles. Tu pensais à qui? Benoît, Albin, non, Monsieur Ballon? Il y a une femme, Benoît. Oui, bah tous les hommes qui sont à l'IME, ils ont quelqu'un. Hein. Moi, t'es Monsieur Ballon, peut-être. Bah Monsieur Ballon aussi, il est marié, il a des enfants. Oh, mince. Hein? Je crois, oui. Oui. Oui. Alors. C'est pas quelqu'un du self, c'est pas. Du self. Ah. Oh, bah tu sais, je les vois pas moi les gens du self. Hein. Je vais pas manger au self, donc. Mais non, non, je ne suis amoureuse de personne à part de mon mari. Toi, t'es amoureux de quelqu'un, Lyon? Ah bah, oh, comment il t'a cassé. Tu sais, on peut te retourner la question aussi, nous, tu sais. Non, c'est personne, moi. Moi, t'es tout rouge, Christopher, pourquoi? Non, c'est rien, je suis rouge comme ça. Émoji. Émoji, oui. Angeline, elle a un mari, je crois que ça lui suffit, hein. Oui, sais, pas de mari. Pour batifoler à droite à gauche, hein, hein. Quelle idée. Oui, Juliana. Quand il pense à Albin. Albin. Ah, non, bah Albin, il est marié aussi, je crois. Oh. Il a des enfants. Ah, toi, tu voyais bien Albin. Ah, ouais, oui. On peut travailler avec des hommes ou des femmes travailler avec. Enfin, ou des hommes travailler avec des femmes, oui. En étant juste collègue de travail, vous savez, on n'est pas obligé d'être amoureux, vous le savez ça? Oui. Comme vous, oui, vous êtes à l'IME avec d'autres filles, par exemple, Christopher, t'es pas amoureux des autres filles? Non. Voilà. Et vous les filles, vous êtes amoureux? Bah peut-être que vous êtes amoureuse, mais vous n'êtes pas amoureuse de tous les garçons de l'IME? Ouais. Ah, je vais aussi là, comme aussi là. Oui, allez, allez, on va arrêter là, vas-y, continue. Est-ce que tu joues sur l'ordi? Est-ce que... Est-ce IME. Que... Ah IME. Non, non, non. Au poker, tout ça. Hop. Pendant j'ai son pas travail. Est-ce que vous pensez que j'ai le droit de jouer sur mon ordinateur quand je suis à l'IME au travail? Non. Tu crois que oui, Juliana? Il le fait, hein. Ah. Ah oui. Oh là là. Oui, mais... oui, mais Marc, c'est différent, lui. Parce que regarde l'émission, on peut la faire... Marc, qui jette un œil, voir si tu fais bien ce que tu as à faire, Juliana. Mais à côté de ça, c'est nous qui animons. Tu comprends? Mais un jour, il pourra faire un coup, discuter avec nous. Ah, vous voudriez interroger Marc? Oui. Ben ça, il faut lui demander, hein. T'es d'accord? Oui, je suis d'accord, oui, il n'y a pas de problème. Mais il ne me reste plus beaucoup de temps, il va falloir en profiter. Ben oui, donc oui. C'est... Alors le problème, Marc, c'est qu'on a des invités de prévus, bimbi. Après, est-ce que tu crois que ce serait possible de t'inviter... Même si tu fais plus partie de la radio. Oui, bien sûr, je peux revenir, il n'y a pas de voilà. problème. Voilà, eh ben, écoute, on fera comme ça. Hein. Voilà. Okay. Déjà, chez le gâteau, toi. Tu iras chercher, ok. Oui, déjà, chez le gâteau. Ah, il ira chercher un gâteau. Alors, Christopher, vas-y. Est-ce que tu vas au McDo? De temps en temps, oui, je vais au McDo. Et vous allez au McDo? Non. Parfois pendant les vacances, qu'on va des sorties. Pas très souvent, quand même, on y va. Non. Mais t'es qu'une seule fois au McDo? Oui, avec l'IME? Oui. Bah, oui. Après, McDo. On court pas trop après le McDo. Il y a des choses meilleures quand même. Mais c'est vrai que ça change un peu. Puis, comme j'ai deux enfants qui sont comme McDo. Vous, qui aiment bien, bah, de temps en temps, on y va. Au collège, c'est beau ici. Ah, vous mangez bien au collège? Oui. Cavaille est beau, il est où ça? Mais c'est vrai, Christopher, t'as raison que le McDo, c'est bien pour les enfants. C'est magique. Ah, il y a les petits cadeaux et tout ça, les petites boîtes, tout ça, c'est pas sympa. Pas les petits cadeaux, on mange avec les mains. C'est pas moi qui prends les petits cadeaux. Ah, t'aimes pas les petits cadeaux. C'est Nicolas qui prend les petits cadeaux. Non, et vas-y, continue. Attends, là, c'est une autre question. Oh, oui, t'en as des autres. Hein. Il y avait une sacrée liste, Christopher, mais oui. Hein. Est-ce que tu fumes? Non, mince. Non, je ne fume dit, pas. Non. Juliana. Ah, attends, ça. Est-ce que tu bois? Non plus. Ça, t'as rajouté, alors, toi, c'était pas prévu. Ouais. Plus, bon, vas-y. Attends, ça, c'est une question. Là. Est-ce que t'aimes bien le lait? Le lait? Oui. Oui, j'aime bien le lait. Et toi, t'aimes bien le lait? Non. Tu bois pas de lait? Non. Tu manges des yaourts? Oui. Oui. Mais t'aimes pas le lait. J'aime pas le lait, oui. Ouais, il y a des gens qui n'aiment pas le lait. Mmh. Ouais. Ouais, t'aimes bien tu le lait, Camille? Tes autres questions, là? Moi, j'adore le lait. T'aimes bien le lait, Timothée? Oui. Oui. Alors, t'avais... Tu déjeunes quoi le matin? Du lait? Ah! Attends, non. Il y a Timothée qui doit répondre à une question d'Angéline. Du chocolat chaud. Du chocolat chaud? Oui. Avec des tartines? Avec du lait. Ah. Et puis tu manges des tartines? Non. Non. Tati. Tu manges pas, tu bois seulement? Oui. Il y en a très peu qui mangent le matin, Angéline. Ah oui. Tati. Quels sont ceux qui mangent le matin? Gâteau, moi, ou soit une tartine. Moi, des tartines avec du chocolat chaud. Ah. Et Zinedine? Moi, j'ai pas le temps de faire ça, moi. Zinedine, tu manges le matin? Non, moi, je... Gâteau. Mais moi, quand je me réveille, t'as pas faim? Non, je me lève et puis je déjeune des yaourts. Ah, des yaourts le matin. Juliana, elle déjeune pas. Steven, il déjeune pas. Est-ce que vous avez pas faim les matins? C'est ça? C'est pour ça que vous déjeunez pas? Que Steven? Moi, j'ai soif. Moi, c'est quoi, moi? T'as pas faim le matin? C'est faim, pour ça que tu déjeunes pas? J'ai pas faim. Ah oui. J'ai pas faim. C'est quoi? Que moi, quand je me lève. J'ai pas le matin. Oh là là. Moi, du poulet, il y a beau ça. Toi, tu quoi? Poulet. Elle mange du poulet. Ouais. Le matin, au petit déjeuner, elle mange du poulet. Attends, Zinedine, attends. Vas-y. Moi, quand je me lève, j'ai soif, alors je bois. Quand tu te lèves? J'ai soif. Ah, t'as soif. Ah, je bois de l'eau quand je me lève. Et puis tu déjeunes pas autrement. Ah. Oui, ça fait léger hein, pour le matin. Wado. Allez, on continue, vas-y. Est-ce que tu fais la peinture? Un petit peu, oui. Il y a d'autres questions, mais je crois que c'est un peu compliqué. Là. Il va falloir qu'on revoie. Je ne suis pas une artiste. Ensemble. Ouais. Alors, vous savez, comme il est 37, on va passer la deuxième chanson d'Angéline. On te fait plaisir, Angéline. Merci, Marc. Elle a mis sur le mur, au-dessus du berceau, une photo d'Arthur, Rimbaud, avec ses cheveux en brosse. Elle trouve qu'il est beau dans la chambre du gosse. Bravo, déjà les petits anges sur le papier peint, je trouvais ça étrange. Je dis rien, elles me font marrer ces idées loufoques depuis qu'elle est en cloque. Elle se réveille la nuit, veut bouffer des fraises, elle a des envies balèze. Moi, je suis aux petits soins, je me défonce en 8 pour qu'elle manque de rien. Ma petite, c'est comme si je pissais dans un violoncelle, comme si j'existais plus. Pour elle, je me retrouve planté tout seul dans mon froc depuis qu'elle est en cloque. Elle tricote en buvant de la verveine. Moi, je démêle ses plottes de laine. Elle use les miroirs à se regarder dedans, à se trouver bizarre tout le temps. Je lui dis qu'elle est belle comme un fruit trop mûr. Elle croit que je me fous d'elle. C'est sûr, faut bien dire ce qui est. Moi aussi, je débloque depuis qu'elle est en cloque. Faut que je retire mes grolles quand je rentre dans la chambre du petit rossignol. Qu'elle couve, c'est que son petit bonhomme qu'arrive en décembre, elle le protège comme une louve. Même le chat pépère, elle en dit du mal sous prétexte qu'il perd ses poils. Elle veut plus le voir traîner autour du paddock depuis qu'elle est en cloque. J'emmène mes mains de l'autre côté de son dos, je sens comme des coups de poing. Ça bouge, je lui dis, t'es un jardin, une fleur, un ruisseau, alors elle devient toute rouge. Parfois ce qui me désole, ce qui me fait du chagrin, quand je regarde son ventre et le mien, c'est que même si je devenais pédé comme un phoque, moi je serais jamais en cloque. Vas-y. Alors, Zénine, oui. Qu'est-ce que tu fais quand t'as tes pauses? Quand j'ai des pauses à l'IME? Oui. Ben, les pauses que j'ai, en fait, je les prends pour quand vous êtes dans mon bureau pour parler un peu avec vous. Hein, puisque je fume pas, donc je sors pas dehors fumer. Elle a pas de fond. Ouais, je bois mon café souvent en travaillant. Et puis après, ben, je prends un peu de temps pour parler avec vous. Hein. Quand vous venez, à chaque fois, je vous parle un petit peu, non? Je pense. Oui. Oui. Oui. Bon, voilà. Ok. Ça répond à la question. Alors l'autre, putain, je pense plus l'autre. Est-ce que t'écoutes de la musique au bureau? Non, j'écoute pas de musique au bureau. Oh, moi, quand tu mettais des écouteurs, tu faisais. Oh, non. Ouais. Tu m'as vu avec des écouteurs? Non. Non, bah non, j'écoute pas de musique. Pour justement vous répondre quand vous me demandez des choses. Tu m'étonnes. Je sais pas, mais j'ai jamais travaillé avec la musique, donc. Et tu des poissons? J'avais des poissons, mais je n'en ai plus. T'as tous partagé les toilettes. Fais-tu de la peinture? Alors, un petit peu, mais je suis pas, je fais pas des toiles. Hein. Je ne suis pas une grande artiste. Mais, quelques coups de pinceau. Hein. Voilà. Mais toi, t'entendais quoi par « fais-tu de la peinture » ?» Comme dit Angéline, des toiles, ou alors est-ce qu'elle refait chez elle Des toiles. Ouais. Ah, des toiles, ok. Elle a des tutos en même temps. Autrement, oui, je fais de la peinture quand je bricole à la maison. Des fois, je repeins des choses, des murs, ou voilà. T'aimes bien, toi, la peinture? Non, non, c'est salissant. Ah, c'est salissant. Moi, j'adore la peinture. Toi, tu adores. Tu peux enlever ton casque, Timothée. On met des lunettes dedans, Timothée. Hein. Après, vas-y, continue, Christopher. Je crois qu'elle a fait toutes tes questions, je crois. Qu'est-ce que tu aimes dans ton travail? Qu'est-ce que tu aimes dans ton travail? Je crois que j'aime tout, en fait. Mais j'aime surtout être en contact avec vous. C'est ça. T'as entendu, Christopher? Mmh. Qu'est-ce que t'aimes pas dans ton travail? Qu'est-ce que j'aime pas dans mon travail? Qu'est-ce que j'aime pas? J'aime pas trop quand il faut faire tout et vite. Tout de suite. Mon argent, vite. Non, quand il y a des papiers à faire et qu'il faut les faire vite, vite, vite. J'aime bien avoir le temps de réfléchir un petit peu avant de faire. Voilà. C'est pour ça que je te disais que je ne ferais pas ton boulot. Ah, d'accord. Parce que c'est vraiment speed. Hein. Oui, c'est speed, mais c'est différent de toi. Tu vois? Oui, Juliana, tu voulais poser une question encore, Angéline? Quand tu nous as dit, que tu aimais bien être avec nous, tu m'as failli faire pleurer. Mmh, c'est vrai. Mmh. Mais c'est vrai, hein. De toute façon, ça, je pense que vous le ressentez. Vous le. Hein, que j'aime bien être avec vous. Moi aussi, je t'aime bien d'être avec toi. Moi, je crois que tous, tu t'aimes bien, Angéline. Hein. Ah, oui. J'ai de la chance. Oui. Hein. Oui. Oui. Quand on dit bonjour, et voyons. Oui. J'ai de la chance, oui. Vous avez d'autres questions pour Angéline? Non. Non, moi j'ai plus. Eh ben vous en aviez un sacré paquet, mine de rien. Hein, hein? Alors, Angéline, en partant de ton travail, oui, je leur ai demandé aussi, dites-moi ce que vous savez d'Angéline, de ce qu'elle fait à l'IME. À l'IME. Qu'est-ce qu'elle fait? Papier. Alors, vous avez dit quoi? Chacun à votre tour. Et Angéline, elle dira oui, si c'est vrai ou pas. Papier. Papier. Que ça? Papier. Quel papier? Le midi, quand on donne les papiers, hop. Les repas? Oui, tout ça. Oui, tout ça. Oui. Et puis? L'assurance aussi, c'est quoi? L'assurance. Non, l'assurance. Bah, les assurances, les papiers, tout ça. Pendant les sorties? Ah, pour faire des sorties, d'accord. Mm-hmm. Oui. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre encore? Oui. Elle répond au téléphone. Ah oui. Ouais. C'est vrai. Pas qu'elle a son téléphone. Elle fait les courriers. Oui, elle fait les courriers. Oui. Parle dans le micro, Zinedine. Non, bah tu lèves la main, c'est pour dire quelque chose, Zinedine. Hein. Attends. Attends, bon. Vous avez une idée, les autres, encore? Mais là, le grand papa Pé, mon papa de ma Pé, là. Non. Ah, papy. Ah, les papiers, oui. Oui, elle fait les papiers, Zinedine. Oui. Oui, mais c'est bien de parler dans le micro. Tu vois toujours des papiers partout, hein, c'est ça? Oui, Juliana. Elle garde la caisse. Elle garde la caisse. Et elle a un coffre. En fait, la caisse de l'IME, elle est dans le coffre. Oui. Mais je garde pas le coffre. Il y a du dessus, 3000 euros dedans. Ah oui. Alors toi, t'es curieux de savoir combien il y a dedans. Hein. Ah, mais oui. Ça, ça vous regarde pas, je crois. On va deviner, moi, c'est deviner. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle fait d'autre, Angéline? Elle marque, on appelle, quand on lui dit des trucs, elle marque sur un bout de papier. Quand on dit des trucs, elle marque sur un bout de papier. Oui, elle l'avait fait, j'avais vu. Elle était comme ça. Ah, quand j'étais au téléphone? Oui. Ben, je note ce qu'on me dit, oui, pour pouvoir après le diffuser aux autres. Ah, c'est pour essayer d'oublier. Voilà, puis oui, voilà, pour ne pas oublier ce qu'on m'a dit. Et puis après, pour donner l'information à qui je dois la passer, aux éducateurs, ou à la directrice, ou au chef de service. Voilà, ou quand il y a des choses à noter dans vos dossiers. Voilà. Alors, Angéline, vous voyez, qui c'est qui se rappelle d'Evelyne? Ah oui, vie. Voilà. Donc, Angéline, elle remplace Evelyne. Parce qu'elle est partie en retraite. Voilà. Ah mais, oui. Oui, voilà. Evelyne, elle était secrétaire, mais Angéline, elle est secrétaire de direction. Alors, je suis technicienne qualifiée. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, parce qu'en fait, c'est juste une histoire de diplôme, en fait. Il y a un diplôme pour être secrétaire de direction, et il y a un diplôme pour être technicienne qualifiée, et moi, je suis technicienne qualifiée assistante de gestion. Donc, voilà. Ah, c'est Angéline qui représente. Non. Alors, assistante de gestion, au niveau des papiers, voilà. Ah, c'est pas la gestion informatique, voilà. Mais il y a de la comptabilité, quand même. Voilà. Mmh. En fait, dans ma formation, j'ai une formation pour faire de la comptabilité, du secrétariat et aussi un aspect commercial. Ça regroupe les trois domaines. Alors qu'une assistante de direction, si mes souvenirs sont bons, et si le diplôme n'a pas évolué, en tout cas à mon époque, quand je l'ai passé, il n'y a pas 40 ans, mais voilà, l'assistante de direction, c'était juste le profil administratif, en fait, et pas l'aspect financier, comptable. Voilà. C'était pas dans ce diplôme-là. Voilà. Ah oui. Mm. Oui, Juliana. C'est long, son travail. Comment ça, c'est long? C'est-à-dire qu'elle fait plein de trucs. Mais oui, qu'elle fait plein de choses. Je voudrais jamais être comme ça. Tu voudrais pas être comme ça. Bah, après, d'avoir un mal de tête après. Non, mais après, c'est très, très intéressant. Hein. Après, regardez, Béthule, elle est venue en stage avec moi. Vous vous rappelez? Ouais, qu'elle était... Oui, voilà. Donc, peut-être que quand vous serez en âge, les filles ou les garçons, hein, Zinedine, parce qu'on peut être secrétaire fille ou secrétaire garçon, vous pourrez demander pour faire un petit stage avec moi pour voir ce que je fais. Et découvrir un peu le métier, oui. Vous allez voir que c'est passionnant, on fait plein de choses, c'est très varié. Oui. Oui, Juliana. Ça m'intéresserait. Eh ben voilà. Moi aussi, j'essaierai. Eh ben, faut le garder dans un petit coin de votre tête, et puis quand vous serez en âge, vous demanderez pour faire des stages avec moi, si vous voulez. Et je vous accueillerai avec plaisir, et je vous montrerai un peu ce que je fais. Vous allez voir qu'il y a plein de choses. C'est pour ça que c'est un métier intéressant, parce qu'on fait une multitude de choses. Comment ça va coûter le séjour? Ouais, moi aussi. Oui, oui, c'est important de suivre ça aussi. Transfert, danse, transfert. Je peux parler? Vas-y. Vas-y, Timothée. Moi aussi. Ça t'intéresserait de venir en stage avec moi? Ah, je vais avoir plein de stagiaires. Oui. Ouais, j'aurai plein de stagiaires. Donc, vous gardez dans un petit coin de votre tête. Puis, quand vous aurez l'âge, vous demanderez aux éducateurs avec qui vous serez. Si vous pouvez faire un petit stage. Moi, je mets sur YouTube. Ah, un dedans. Ah bon? T'as YouTube dans ta tête? Ouais. Alors, Angéline, dans ton travail, il y a des petites choses que tu fais tous les jours. Hein. Mm. C'est, voilà, puis il y a des choses un peu plus qui arrivent comme ça de temps en temps. Mm. Et c'est quoi ces choses-là qui viennent de temps en temps? C'est une bonne question. Hein. Du coup, je crois qu'on est tellement dans le travail quotidien qu'on se rend même plus compte de ce qu'on fait en plus, en fait. Ah, le retard de facture comme ça? Bah, les factures, c'est un peu tous les jours, en fait, qu'on reçoit des factures. Bah, le retard de facture quand les retards. Alors non, parce que en fait les factures, elles sont pas payées par l'IME. On a un siège à la DPI 88, voilà, qui se trouve à Épinal, Et là-bas, il y a des gestionnaires. Alors, ça s'appelle des gestionnaires de paye. Donc, des dames et des messieurs, Zinedine, qui font les payes des salariés, qui s'occupent de tout ce qui est ressources humaines. Voilà. Et on a aussi un service, entre autres, hein, un service financier. Et à ce service financier, eh ben, du coup, on envoie toutes les factures qu'on reçoit à l'IME. Et c'est le service financier qui se charge de payer les factures. Alors, qu'est-ce qui se passe, Angéline, quand une personne a perdu la facture? Quand quelqu'un a perdu une facture? Bah oui, ou parce quand on ne reçoit pas une facture? Bah, par exemple, un éducateur va en course avec des jeunes, et il revient, il a la monnaie, oui, mais il n'a pas de facture. Alors là, ça pose un gros, gros problème. Parce que tous les sous qu'on donne pour faire des achats, on doit avoir un justificatif pour prouver que cet achat, il a bien été fait. Alors déjà, au départ, il faut demander à M. Ballon, le chef de service, s'il est d'accord pour faire un achat. Et après, si vous revenez sans la petite ticket de caisse où c'est la facture, c'est très, très embêtant. Heureusement, on a la chance d'avoir des éducateurs qui sont très sérieux et des enfants qui sont sérieux aussi parce qu'il y a des fois... Et du coup, on n'a jamais trop eu le cas. Et parfois, si vraiment ça se produit, on peut demander au magasin qu'il nous fasse un duplicata de facture. Oui. Donc, qu'il nous refasse une facture, mais il ne faut vraiment pas que ça arrive souvent. C'est ça. Voilà. Mais vous faites tous très attention. Oui. Surtout Corinne. Oui. Surtout Corinne, oui. Moi, je ne vais pas souvent en course, moi, quand même. Hein. Hein? Non, il y a un gâteau, j'ai... Alors, Angéline, tu as une autre question? Oui. Moi, ça me vient comme ça, là, parce que toi, je me disais, on n'aurait pas le temps. Ouais. Mais alors, est-ce que tout ton travail, il est dirigé par Mme Swartenbrouck? Alors... Ou alors... Il y a également M. Ballon. Monsieur Ballon. Voilà, qui me donne des consignes. Et après, on a aussi des consignes qui nous viennent du siège de l'ADAPI, en fait. On a plein d'informations qui nous arrivent du siège et qu'on doit diffuser aux familles, aux équipes. Donc, on peut avoir des consignes aussi qui nous viennent de l'ADAPI directement, oui. Ouais. Et est-ce qu'il y a des périodes comme ça dans l'année où, pour toi, il y a beaucoup plus de travail que le reste du temps? Alors, c'est souvent fin d'année civile. En fin d'année civile ou début d'année civile suivante, parce qu'il y a la clôture des comptes, donc il faut quand même tout vérifier que les choses soient faites en bonne et due forme pour retransmettre tout ça au siège, qu'on doit leur rendre des comptes. Trois ou quatre fois par an, on a des grosses enquêtes auxquelles on doit répondre pour l'ARS et pour d'autres organismes, donc ça c'est des moments aussi qui sont assez intensifs. En début d'année, on a souvent les renouvellements de notifications MDPH pour tous nos jeunes. Donc là, c'est tous les dossiers à constituer. Donc ça représente un gros travail, surtout pour les éducateurs. Toi derrière aussi. Du coup, nous, c'est plus de la gestion de papier. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de travail à ce moment-là. Mais il y a beaucoup de travail aussi pour les éducateurs. Et puis voilà, après, on a des pics un peu... à ces moments-là. Parce qu'il y a quelques années, toi, c'était la secrétaire qui tapait les projets des enfants, les CDA et tout ça. Maintenant, c'est les éducs, mais néanmoins, c'est pas pour ça que t'es son travail. Il y a des nouvelles choses qui sont arrivées. Voilà, c'est ça, en fait. Les choses se répercutent, en fait. On a peut-être soulagé les secrétaires sur certains points, notamment tout ce qui est saisie de documents classiques, quoi, pour leur donner d'autres tâches à effectuer, pour décharger les directeurs d'établissements qui ont un boulot monstre aussi. Ah oui. Notamment parce qu'il n'y a plus non plus, enfin entre autres, il n'y a plus de... À l'époque, il y avait des directeurs de pôle ou de territoire. Et du coup, avec cet échelon-là qui n'existe plus, les directeurs ont pas mal de... Enfin, ils ont beaucoup de travail. Ah oui. Et puis, allez, encore une, hein. Ouais. Est-ce qu'il y a des moments dans la journée, alors écoutez bien aussi, parce que ça vous concerne, où ça t'embête, Angéline, d'avoir tous ces mouvements dans ton bureau? Ouais. Est-ce qu'il y a des moments en particulier où tu dis, oh là, si j'avais personne pour... Eh bien, en fait, m'embêter. Jamais. Jamais. Alors, et c'est pas un mensonge, parce que quand vous êtes en sortie et qu'il n'y a personne à l'IME, alors là, c'est des moments que j'aime pas du tout. Hein, parce que du coup, alors c'est calme, c'est vrai qu'on reste dans son travail et puis... On est plus concentré, mais je crois que je suis habituée à travailler avec du mouvement autour de moi. Et quand il n'y a pas d'enfants, quand vous partez toute la journée, enfin, du coup, c'est triste, hein, il n'y a pas que moi qui le dis. Les personnes qui restent sur place, comme les psychologues, même les chefs de service, la directrice, il n'y a pas de mouvement, et du coup, Il n'y a plus de vie, quoi. Ouais, c'est pas pareil. Hein. Moi, j'aime bien avoir... quand ils viennent me voir pour ci, pour ça, enfin, c'est... Et du coup, ça me dérange pas du tout. Après, je pense que vous ressentez pas de... Enfin, je pense pas que je dis... Non. Enfin, vous ressentez que Est-ce ça me gêne, Est-ce que vous quoi. Avez déjà été mal reçu par Angéline? Non. Non, très bien reçu quand on lui a demandé quelque chose, très bien. Donc, c'est la preuve que ça me dérange pas, au contraire. Donc, vous allez facilement dans le bureau d'Angéline. Oui, dire bonjour. Voilà. Est-ce qu'il y a des endroits où vous n'allez pas trop... vous allez un peu à reculons? Le bureau de Monsieur Ballon. Ah, alors pourquoi tu as peur de Monsieur Ballon? Quand il parle, il faut le déranger. Il ne faut pas le déranger. Tu donnes le mot d'accord. Moi, je vais en reculant dans le bureau de Madame de Monsieur Ballon et de Madame Bunkerbrook. Parce que vous avez un petit peu plus peur, peut-être. Ah oui, oui. Ouais, elle fait peur. Bah, pourtant, non. Bah non, oui. Vous allez dire bonjour, que vous êtes poli, il n'y a pas de raison, hein. Oui. Mais il faut toujours ne pas oublier, pardon, de frapper à la porte. On peut toujours à la porte. Tic, tic, tic. Voilà. Et dire bonjour, vous savez, ça fait toujours plaisir, hein. Oui. Hein? Alors maintenant, on va laisser... Angéline, tu sais, on va arriver à la fin. Oui. Donc, on voudrait quand même te laisser le mot de la fin. Ah. Hein, c'est la première fois que tu viens à Radio Guémozo. Oui. La première fois que tu partages une émission avec les jeunes de l'IME. Oui. Alors, ton ressenti, Angéline? Eh bien, merci de m'avoir invitée. Ça m'a fait très, très plaisir que vous intéressiez à moi et à mon travail. Hein? Et du coup, c'est vrai que je n'ai pas l'occasion de passer beaucoup de temps avec les jeunes de l'IME. Alors, il y a la fête de Noël où on a cette chance de pouvoir passer un moment de repas avec vous. Et puis également pour la fête de fin d'année. Donc, c'est des moments que j'apprécie hein, d'être avec vous. Donc, merci de m'avoir invitée. Et puis voilà. Merci à tous. Et vous avez un petit mot pour Angéline? Oui. Vous pouvez dire merci? Merci, je t'aime bien, Angéline. Moins fort, moi moins fort. Ouais, moi aussi. Bon, bah, Marc, hein, on a fait. Tu veux lui faire un gâteau? Ouais. Oh bah, écoute, on l'attend, le gâteau. On hein. Pas dessin. De problème, Zinedine. Ah, bah, je veux bien. Ouais. J'ai de la place sur les murs de mon bureau pour en afficher. Hein. Oui. Ah, pas de problème. Eh bien, écoutez, nous allons remercier Angéline. Nous allons aussi ajouter que la semaine prochaine, nous recevons... Monsieur Ballon. Monsieur Ballon, attention. Voilà. C'est bien. Corinne. Oui. J'ai peur. Bah, il n'y a pas à avoir peur, tu sais. Ah oui, c'est bien. Il n'a jamais mangé personne non plus, Monsieur Ballon. Donc, nous remercions Angéline et nous souhaitons une bonne semaine à tous nos auditeurs. Bonne semaine. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. La petite Noé ne plus parler. Ca-Noé. La cacao, mamie cacao. Cacao. La petite Ramel m'est infidèle. Cacao. Monsieur Hannibal me mine le moral. Cacao.